Et voilà, ben, tentative de faire non pas un scud, mais un ovni, histoire de changer les scuds. Donc avec ce mélange de musique déstructurée et de blues sur une basse dont je ne sais pas jouer avec en essayant de suivre un morceau injouable, on ne pouvait pas faire pire. Donc je reviens sinon à la programmation musicale habituelle du programme. La rubrique triturer, mélanger, servir, j'espère qu'elle va continuer encore longtemps d'ailleurs. Hein, il ne s'agit pas. Et celle-là, elle va aussi devenir habituelle. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de participants, pas seulement dodécaèdres. Alors, on va ensuite revenir. Donc, on revient à du rock. Si vous aimez les légumes, vous dites ah, les végétariens, c'est des non-violents. Ben pourtant, il y a Phil Vio qui a réussi à faire ce qu'il a surnommé une bastonnade de brocoli. Ça date du 4 avril 2008 sous licence Creative Commons by 2.0. En fait, même quand on ne mange que des légumes, méfiez-vous, méfiez-vous, c'est pas forcément des pacifistes. Petit maman me tabassait à coups de brocoli, bien cuit, ah oui bien cuit. Ils sont à point ces brocolis. Elle me fourvoyait en mixant la chose dans des patates pilées, patates pilées. Allez gaffe-toi, comme une oie. C'était la bastonnade de brocoli de Phil Vio. Oui, méfiez-vous, hein, les légumes, c'est pas forcément des anges ceux qui mangent des légumes. Et on reste d'ailleurs dans le végétal avec cette fois-ci la petite pomme. Petite pomme par le groupe Eva est morte. donc composé par Eva, et on est toujours donc dans le, on reste vraiment aujourd'hui dans le rock. Hein. Habituellement, c'est souvent des musiques complètement bizarroïdes, du noise, de l'ambiance, des choses comme ça. Il y en aura peut-être hein, tout à l'heure, hein. Mais là, on est dans le rock sous licence Creative Commons by NCND 2.5, donc ne pas modifier, ne pas en faire de profit. On peut juste le transmettre tel quel, mais c'est déjà pas mal. Hein. Vous n'avez par exemple pas le droit de mettre du Johnny Hallyday sur la mule, mais ça, vous avez le droit, parce que la licence en question autorise ce genre de choses. Donc ça a été mis en ligne en avril 2008, donc là maintenant on est sur, oula, ça fait 8 mois déjà. J'avais mis ça de côté depuis 8 mois pour le passer dans l'émission, ça fait quand même... J'ai un sacré retard, mais enfin bon, c'est pas grave, hein, ça me permet quand même de faire des émissions. La petite pomme cette fois-ci, donc après le brocoli, la pomme, ben oui, avec ça, on va bien digérer. Il dansait chaque nuit au rythme du feu. Et une petite pomme qui est peut-être une Granny Smith parce qu'elle est effectivement assez, elle est plutôt acide, cette pomme, cette petite pomme par Eva est morte. Et on reste sur, je lance un appel aussi pour venir sur le chat. Alors il y a déjà Anthony qui est sur le chat. Et sinon, tout à l'heure, il y avait Omer et Dekay, mais qui sont repartis, hein, qui ne sont pas revenus pour l'émission en direct. Je continue avec la suite de ma playlist. C'est Glamout qui continue le bal. Là, c'est déjà un petit peu moins rock. Il a classé ça dans chanson francophone. Mais enfin bon, attention, parce que il fait des choses parfois assez inclassables, sans faire dans le noise ou l'ambiance. Ça s'appelle Frère Jack. Reprise très très très personnelle, très vraiment très personnelle de Frère Jacques, chanson traditionnelle qui se chante en canon, mais alors là il n'a pas du tout respecté les canons habituels du genre. Frère Jacques, qui a été recomposé par Jérôme Servet en 2004 sous licence Creative Commons by NCND 2.5. Ça nous vient du net label Torarien Productions. Et le groupe Glamout, en fait, est belge. Je vois la ville exacte. Je crois que c'est de Liège, si je ne me mélange pas. Perdu, c'est Bruxelles. Les 10 derniers, un titre par... s'il n'y a qu'un seul titre, donc c'est toujours... Donc la première partie de l'émission n'est toujours pas en ligne, non. À cette heure-ci, elle est encore en train d'uploader. Oui, la première partie de l'émission est en train d'être aussi mise en ligne là, pour pouvoir être téléchargée depuis le site. Mais ce n'est pas encore terminé, puisque la bande passante en fait est utilisée principalement pour le direct. C'est le direct qui compte... Et par contre là c'est pas du direct, c'est de l'enregistrement, mais l'animation est en direct, donc Frère Jack Glamout. encore plus gothener que gothener, c'est Glamout de groupe belge et que on pourrait éventuellement retrouver de temps à autre aussi dans cette émission pour d'autres morceaux. La première partie de l'émission, je vous informe que la première partie de l'émission, si vous l'avez loupée, la première demi-heure est déjà en ligne sur le site Dogmazic. Ça a mis du temps à se télécharger, mais ça y est, c'est enfin arrivé. Donc vous pouvez la télécharger au fichier en format MP3 ou OGG tout simplement. Mais on va essayer ensuite avec la deuxième partie qui est également... il faudrait déjà qu'elle soit prête. Donc faut encore que je fabrique le fichier OGG en question, que je sauvegarde. Alors que la troisième, je suis juste en train de terminer. Parce que là, on va avoir un morceau de quelque chose qui dure dans les 20 minutes, quelque chose comme ça.